force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Le Dieu que nous invoquons chaque matin à OSB s'appelle El Haï, le Dieu vivant, il est le Dieu réel. Je vais dire à quelqu'un, Jésus n'est pas resté dans le tombeau, Jésus est sorti du tombeau. Si Jésus est sorti du tombeau, tout ce qui était mort en toi va ressusciter cette année, tout ce qui était mort. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier, nous sommes à OSB. Opération sur la brèche, notre émission de prière qui est produite à partir d'Abidjan. Au microphone, votre serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi. Le passage du jour, c'est Deutéronome 28, 7 à 10. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Deutéronome 28, 7 à 10. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Amen. Il y a trois promesses sur lesquelles je voudrais insister ici dans ce passage. Première promesse que Dieu te donne, mon frère, ma sœur. Dieu te promet de te donner la victoire sur tes ennemis qui vont se lever contre toi. Oui, nous devons être conscients que la vie chrétienne, c'est un combat. Je vais dire à une sœur, écoute-moi bien. Quand tu vois que ton magasin commence à marcher, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Ils ne veulent pas te voir éclore. Ils ne veulent pas voir ton évolution. Il y a des ennemis. Parfois, les ennemis ne sont pas loin. Même dans les milieux chrétiens, il y a des ennemis, des gens qui viennent. Ils ont de la rancœur. Ils sont remplis de jalousie. Regardez, dans la vie de Joseph, ce sont ses propres frères qui sont devenus ses ennemis parce qu'ils ne voulaient pas voir Joseph se lever. Mais Dieu te dit cette année, Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis, c'est-à-dire ceux qui vont se lever contre toi. Je vais dire à quelqu'un, tu viens d'être nommé à un poste important, mais parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth, les gens vont faire des complots. Cette année, il y a des proches, il y a des collègues de service, ils vont fomenter des complots parce que tu les déranges, parce que ta présence les dérange, parce que tes prières les dérangent. Mais Dieu te dit, il va te donner la victoire sur tes ennemis. Ils vont s'enfuir. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous voyez, ce passage dit ceci, au verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. C'est une promesse que tu verras. À la fin de l'année, tu témoigneras. Tu verras, malgré les combats, les gens vont échouer. Et ils seront étonnés de voir que tous leurs complots seront voués à l'échec. C'est la promesse que Dieu te donne. Deuxième promesse. Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. J'aime bien le verbe ordonner. Ça montre que Dieu, l'être suprême, c'est celui qui ordonne. Oui. Vous savez, lorsque le président de la République, le chef de l'État, il prend ce qu'on appelle des décrets, dans notre pays, on les appelle des ordonnances. Ça veut dire que lui, en tant que le magistrat suprême, en tant que le premier citoyen du pays, il a tous les pouvoirs d'ordonner quelque chose. Mais ici, c'est Dieu, le créateur, El Elyon, Yahvé. Il va ordonner à la bénédiction. C'est comme on parle à un homme. Il dit, toi là, je t'ordonne, va. à ses côtés. Il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Quand on parle de toutes les entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vas entreprendre. Si tu entreprends, par exemple, une petite et moyenne entreprise, Dieu va ordonner la bénédiction d'être avec toi. Ne négligez rien. Je vais dire à quelqu'un, même si tu vends les bananes, ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire, à locaux, Dieu est capable de bénir ça. Parce qu'il dit, il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Je vais dire à une femme, tu as commencé un magasin, tu veux commencer des activités. Écoute-moi, même si tu commences avec un peu de marchandises, la bénédiction de Dieu viendra sur toi. D'ici des mois de décembre, ce magasin sera rempli et tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu qui bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu a ordonné, il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Nous nous souvenons du temps d'Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu pouvait ordonner au corbeau d'aller nourrir Élie. C'est-à-dire que même la création, la nature, les animaux obéissent à l'ordre divin. Il a dit à Élie, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et la Bible dit que le corbeau venait avec du pain, avec la viande, oui, pour nourrir son serviteur. Et quand l'eau du torrent avait séché, Dieu dit au même Élie, va à Sarepta, parce que j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Quand Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi, il peut même susciter, même quelqu'un que tu négliges, il va te donner. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin d'un capital pour commencer ton affaire. Je prophétise que cette année, de manière surnaturelle, Dieu va te donner la provision. Et tu sauras que Dieu est celui qui ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Il ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans toutes les entreprises. Si l'année écoulée, c'était la malédiction qui était avec toi. Quand tu entreprenais quelque chose, ça ne marchait pas. Il ne faut pas dire, bon, comme ça a échoué, j'ai échoué 3 fois. Tu peux échouer même 10 fois. Mais quand le temps de Dieu arrive, ce qu'on appelle en grec le kairos, la saison de Dieu. Oui, tes échecs peuvent se transformer en succès. Et je prophétise que cette année, c'est l'année de ton succès dans le nom de Jésus. Le Seigneur va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Nous savons bien ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a rien pris. Il a jeté les filets dans toutes les directions. Il a échoué. Mais quand Jésus est venu, quand celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin est venu, il lui a demandé la barque. Après, il a dit, avance en plein nom et jetez les filets. Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jeterai les filets. Je vais dire à quelqu'un, même si tu as échoué, essaye encore avec Jésus. Parce que cette année, il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Et tu verras la main de Dieu dans tes entreprises. Commence quelque chose et tu verras, le Seigneur va te bénir. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Troisième promesse. Dieu dit, tous les peuples verront que tu es de l'Éternel. Tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Vous voyez, la gloire de Dieu est toujours visible. La gloire ne peut pas être cachée. Quand Dieu dit, tous les peuples verront, c'est-à-dire, Dieu va faire éclater un signe dans ta vie. Quelque chose de palpable, quelque chose de visible. Ou quand quelqu'un regarde, il dit, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est un Dieu qui est grand. Je veux dire à quelqu'un, cette année, Dieu te donnera une nouvelle voiture. Une voiture de gloire. Et les gens seront étonnés quand ils vont te voir rouler à bord de cette voiture. Ils verront. Ils seront étonnés. Vous voyez, Dieu va faire éclater un signe, même dans ta famille où les gens te méprisaient. Les gens disaient que tu n'as rien, elle n'a rien, il n'a rien. Dieu va faire éclater quelque chose de visible. C'est pourquoi il dit, tout le peuple verront, ils verront. Nous nous rappelons du temps de Joseph. Joseph qui était vendu par ses frères, il s'est retrouvé en Égypte. Dans la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. De la prison, Dieu l'a amené maintenant. Oui, au trône. Il occupait maintenant les fonctions de premier ministre. Mais il était dans la gloire. Il avait une nouvelle maison. Il avait une nouvelle voiture de commandement. Il avait même une femme. Donc, les bénédictions sont venues en package. Je vais dire à quelqu'un, cette année, il y a un package. Dans un package, il y a tout. Dans un package de bénédictions, Dieu va te donner le travail. Il va te donner l'élévation. Il va te donner les mariages. Il va te donner les voyages. Il y a un package. Saisis ton package cette année. Joseph a eu son package. Quand ses frères sont venus maintenant en Égypte, ils ne savaient plus que c'était lui qui ont vendu. Mais Joseph leur avait dit, aller raconter à mon père toute ma gloire. C'est-à-dire, ils ont vu sa maison, ils ont vu sa voiture, ils ont vu ses serviteurs. Cette année, Dieu va faire quelque chose que les gens vont voir. Ils vont reconnaître que tu as un Dieu qui est puissant, tu as un Dieu qui est vivant. Il dit ici, au verset 10, « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. » Vous voyez, quand Dieu va commencer à te bénir cette année, les gens même qui te combattaient, les gens qui te maudissaient, ils vont voir que leur malédiction n'a pas eu d'effet. Mais au contraire, ils vont voir la gloire de Dieu. Ils vont te craindre. La Bible nous dit que lorsque David réussissait dans tout ce qu'il faisait, Saül, qui était même son chef, il avait de plus en plus peur de lui. Je vais dire à quelqu'un, même ton chef là, il est mystique. Il te tend des pièges pour que tu puisses échouer, pour qu'il puisse trouver des raisons de te licencier. Mais laisse-moi te dire, tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Et tu vas déjouer tous ces pièges. Et il aura peur de toi. Parce qu'il reconnaît que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix pour toutes ces promesses. Bénis le nom du Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière, OSB, Opération sur la brèche. Nous prions en nous inspirant sur les saintes écritures, parce que nous croyons que la parole de Dieu est efficace. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et aujourd'hui, le passage du jour, c'est Deutéronome 28, 7 à 10. Au microphone, votre serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous allons prier le Seigneur. Dieu promet de nous donner la victoire. Il promet de te donner la victoire. Il y a des gens qui s'élèvent contre toi. Peut-être déjà, oui, en ce début d'année, il y a des gens qui s'élèvent contre toi. Il y a des mystiques, les sorciers dans les quartiers où tu es. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui s'élèvent pour que tu ne puisses pas finir ta maison. Mais Dieu dit, il te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils viendront. Il dit ceci, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Tu vas saisir cette promesse et tu vas prier. Chacun de nous va prier pour que cette année, cette promesse s'accomplisse dans sa vie. Prie au nom de Jésus. Béni sois-tu notre Dieu et notre Père. Sois exalté et sois magnifié pour cette semaine de grâce, de faveur que tu nous accordes. Merci pour les portes de ce jour, les portes de cette semaine et les portes de ce mois dans lesquelles tu nous fais entrer. Pour contempler tes merveilles de cette promesse qui dit que nous verrons nos ennemis fuir au devant de nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens 16 à partir du verset 9, car une occasion favorable se présente à moi d'accomplir un grand travail, bien que les adversaires soient nombreux. Seigneur, les adversaires sont nombreux. Tu nous as fait des promesses, ils sont nombreux. Ces sorciers, ces mystiques sont nombreux. Ils veulent nous empêcher d'être pleinement épanouis. Ils veulent nous empêcher de connaître la joie. Ils s'opposent, ils refusent, ils veulent notre perte, ils volent notre joie. Mais gloire te soit rendue. Quel que soit, Seigneur, le nombre de ses adversaires, ta promesse pour nous ce matin dit qu'ils sortiront contre nous par un seul chemin. Mais ils fuiront devant nous par cet autre chemin. C'est ainsi donc que je vois la stérilité, l'infécondité fuir devant ce couple-là au nom de Jésus-Christ. Je vois maintenant la maladie fuir devant cette sœur au nom de Jésus-Christ. La maladie fuir devant ce frère au nom de Jésus-Christ. Je vois maintenant, oui, les démons libérer les finances de ce frère au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce parce que tu opères de grandes délivrances au devant de nous. Car tous les démons qui nous assaillent, fuient devant nous par cet autre chemin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier parce que Dieu promet. d'ordonner à la bénédiction d'être avec nous dans toutes nos entreprises. Même si tu as 10 entreprises, tu vas dire, Seigneur, tu as promis d'ordonner à ta bénédiction d'être avec moi. Oui, dans mon magasin, dans mon pressing, dans mes affaires. Peut-être que tu as, je ne sais pas, des taxis et que tu mets en location. Et peut-être que tu es dans l'agroalimentaire. Peut-être que tu es, je ne sais pas, dans quel autre domaine, dans toutes tes entreprises. Tu as commencé une petite et moyenne entreprise. Cette année, le Seigneur peut distinguer ton entreprise. Dieu dit, il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Tu vas revendiquer cette promesse pour dire, Seigneur, ordonne à la bénédiction. Je vais saisir cette promesse et j'aimerais témoigner que tu es le Dieu qui m'a visité cette année. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, nous te glorifions, nous te magnifions une fois de plus ce matin. Nous sommes conscients, ô Père éternel, de tout ce que tu fais pour nous, de la manifestation de ton amour à notre égard. Nous prions, ô Père éternel, et nous élevons ton saint nom. Éternel Dieu, ordonne la bénédiction dans nos vies. Ordonne la bénédiction dans nos activités. Que ta bénédiction se manifeste dans tout ce que nous entreprenons. Que ta bénédiction se manifeste dans nos projets. Que ta bénédiction se manifeste au sein de nos familles. Que ta bénédiction se manifeste au sein de nos communautés. Que ta bénédiction se manifeste dans notre pays. Père, nous mettons notre foi et notre confiance en toi pour des grandes choses. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Éternel Dieu, nous nous mettons en sécurité sous ton nom qui est une tour forte. Nous disons merci pour la sécurité que nous avons en toi. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que l'esprit du dévoreur est réprimandé. Tout complot contre notre bénédiction, contre les projets, contre notre épanouissement sont voués à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons merci, Père, parce que nous savons que nous avons la victoire. Ta bénédiction nous donne la victoire. Ta bénédiction nous procure la paix. Ta bénédiction nous élève dans tout ce que nous entreprenons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir Dieu dit, tous les peuples verront, ils verront. Et ils sauront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Tu vas prier en disant, Seigneur, fais quelque chose que les gens verront. Que tous les peuples verront. Que dans le quartier, que dans ma famille, que même au niveau de mon travail, que les gens voient ma bénédiction, qu'ils voient ma gloire, comme ce fut le cas de Joseph. Et que les peuples me craignent, parce qu'ils sauront que tu es un Dieu qui est grand, parce qu'ils vont échouer dans tout ce qu'ils vont faire contre moi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Tu as toujours opéré de grandes choses dans notre vie. Le salut que tu nous as accordé et le salut que tu continues d'accorder est une grande chose, est un miracle puissant. Et c'est ce que nous verrons dans nos communautés. Beaucoup seront touchés, beaucoup seront convertis, beaucoup se dédieront à toi, beaucoup abandonneront le monde et se tourneront résolument vers toi. Et ce sera le plus grand miracle pour tous ceux qui les entourent. Ils sortiront des bistrots, des maquis, de la prostitution, de la fornication et des œuvres charnelles. Ils sortiront des œuvres de ce monde et ils se réfugieront dans l'église, dans tes bras, pour faire ton œuvre. Encore une fois, dans nos entreprises, dans nos maisons, nous verrons ta gloire. Tu vas élever tes enfants. Tu vas briser les limites que ont dressées devant nous nos ennemis pour nous faire avancer, pour nous faire progresser. Car tu nous tiens par la main et tu nous conduis. Nous te glorifions parce que cette maladie ne va pas nous amener à la mort. Tu vas faire des grandes choses et tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui affranchit. Car il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Merci Seigneur, parce que quelqu'un est libre, quelqu'un est affranchi, quelqu'un est guéri, et il n'y a point de condamnation sur nous. Et tous ceux qui nous entourent verront la manifestation de ta gloire dans notre vie. Merci, dans nos entreprises, ta gloire. Dans tout ce que nous entreprenons, ta gloire. Prends toute la gloire, parce que tu es la source de cette grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSP. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.